dans un premier temps, Régis Lanneau, qui nous parlera l'efficience des régulations juridiques, quelques problèmes épistémologiques. Régis Lanneau est donc maître de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre de la Défense et chercheur au Centre de recherche en droit public. Ses recherches portent essentiellement sur l'analyse économique du droit et le droit public. Voilà, vous avez la parole. Alors, je tiens bien évidemment tout d'abord à remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Par contre, je regrette de devoir débuter, parce qu'il est toujours difficile de débuter avec une présentation. Cette présentation s'intitule « Penser l'efficience des régulations juridiques, quelques problèmes épistémologiques ». L'idée de départ est en un sens assez simple. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de régulation, le terme de régulation est globalement omniprésent dans le discours juridique et dans le discours économique. On parle d'autorité de régulation, alors comme par exemple la commission de régulation de l'énergie. On parle de régulation de télécommunications. On parle de régulation alors administrative, de régulation financière avec la crise, voire même de régulation politique. Et pourtant, si l'on commence à y réfléchir, on se rend compte que le terme de régulation est souvent employé sans que les juristes prennent le temps, en fait, de définir précisément, ou du moins de donner une conception ou une appréhension de cette notion. Lorsqu'on parle de régulation, il me semble qu'il y a un certain nombre de connotations qui entrent en ligne de compte. La première, c'est celle d'interaction des éléments au sein d'un système. Autrement dit, lorsque l'on parle de régulation, on impose une forme de pensée systémique sur le droit et l'on suppose nécessairement qu'il existe une dynamique entre les normes juridiques, une dynamique entre les normes juridiques et les individus. La définition que j'ai retenue pour mon propos est celle que l'on retrouve, la définition classique que l'on retrouve chez Canguilhem, qui nous dit que la régulation n'est autre que l'ajustement conformément à quelques règles ou normes d'une pluralité de mouvements ou d'actes de leurs effets, ou produits de leur diversité ou leur succession, rend d'abord étrangers les uns aux autres. Autrement dit, lorsqu'on parle de régulation, on envisage une idée de relation, une idée de coordination entre des entités indépendantes, et l'idée serait de faire en sorte que ces entités fonctionnent ensemble. Et ce fonctionne ensemble, souvent, on le renvoie à une idée de constance ou à une idée d'équilibre de système. Ceci est très clair lorsqu'on parle d'économie, puisqu'il s'agit d'assurer un équilibre économique, par exemple. Lorsque l'on parle de constance, on envisage tout simplement les premiers usages du terme régulation, puisque le premier usage du terme de régulation vient de régulateur, et régulateur était un terme à la base de mécanique et non pas du tout de droit. Ensuite, par extension, il s'est développé à la biologie pour ensuite toucher le droit. Mais pour autant, une nouvelle fois, est-ce que le droit est véritablement transformé par cette nouvelle pensée ou par ce qualificatif de régulation? Puisque maintenant, on ne va plus parler simplement de normes juridiques, on va parler de régulation juridique. Appliqué au droit, il est possible de dire que le terme de régulation permet une certaine forme de changement de perspective. Un changement de perspective, tout d'abord, parce qu'on reconnaît enfin que le droit intervient dans le cadre d'un système complexe. S'il s'agit de réguler, il s'agit de réguler un univers, et dans cet univers, le droit n'a qu'une part. Autrement dit, le droit n'est pas le seul à intervenir dans la régulation. Il est possible de penser à d'autres formes de régulation, comme les régulations sociales, comme les régulations, on pourrait presque dire morales, comme les régulations religieuses. Donc le droit n'est pas le seul, et plus encore, même si malheureusement le droit a souvent tendance à se considérer ainsi, le droit n'est pas nécessairement le système de régulation le plus puissant. Le droit ne peut pas tout. L'idée néanmoins, lorsque l'on parle de régulation du droit, c'est qu'on va avoir quand même une tendance à considérer que par régulation, on entend réglementation. Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas déréguler, lorsque l'on appelle à déréguler, en fait, on appelle surtout à déréglementer. On n'appelle absolument pas à déréguler, autrement dit, à pervertir le système et à le faire disparaître, changer de structure. Néanmoins, dans son usage strictement juridique, lorsque l'on parle de régulation, souvent, on parle du droit comme un moyen de la régulation et on envisage dans la régulation juridique uniquement le moyen, autrement dit la réglementation. Le second point qui est tout à fait intéressant, c'est que dès lors qu'on parle de régulation d'un système juridique, on est obligé de se dire que le droit cherche à agir sur ce système. Autrement dit, le droit n'est plus uniquement une fin en soi. Le droit retrouve sa fonction d'instrument. Le droit va avoir pour objectif d'influencer une régulation, d'influencer un ordre, d'influencer une coordination entre les individus. Alors ceci est relativement clair. Maintenant, bien évidemment, nous avons tous tendance à considérer que, bien sûr, le droit est un instrument. Mais pendant longtemps, le droit n'était pas du tout perçu comme un instrument. Le droit était presque une fin en soi. Le droit avait sa raison d'être en lui-même. Si l'on prend par exemple la fonction politique et la fonction de création des normes, très longtemps on s'est dit que ce qui justifiait une norme, c'était simplement la volonté politique. Désormais, ce qui justifie une norme, ça n'est pas uniquement la volonté politique, puisqu'il faut maintenant prouver que la norme a un but, est capable d'atteindre son efficacité, est capable d'atteindre son efficience. Si l'on s'en tient simplement au droit constitutionnel, il faudra attendre 2009 pour voir reconnaître la nécessité d'études d'impact lorsque l'on parle de législation. Autrement dit, à travers cet instrumentalisme, on change la perspective du droit, puisque le droit maintenant doit se penser de façon pragmatique, doit se penser de façon empirique, doit se penser de façon concrète. Et naturellement, en changeant cette perspective, le droit a besoin de nouveaux outils, même si malheureusement ces outils n'ont pas été forgés à l'intérieur du droit, et souvent le droit se contente de reprendre des outils de l'extérieur. Il va reprendre des outils économiques, il va reprendre des outils sociologiques, il va reprendre des pensées philosophiques. En devenant donc strictement pratique, le droit va classiquement essayer, le droit, la réglementation, va classiquement essayer de devenir plus efficient. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de modifier le système, autrement dit d'atteindre ses objectifs, d'être efficace, il s'agirait en plus et idéalement de trouver une certaine forme d'adéquation entre le moyen et les fins. Si l'on s'en tient compte à une définition économique basique de l'efficience, on pourrait dire qu'une situation est efficiente lorsque l'allocation des ressources qui en résultent maximise le bien-être des individus. Mais bien évidemment, lorsque l'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La problématique que je souhaite aborder ici est finalement assez théorique, même si elle a bien évidemment un certain nombre de conséquences pratiques. À savoir, si je qualifie une régulation déficiente, qu'est-ce que je dis véritablement ? Quelle est la valeur épistémologique que je peux accorder à ce qualificatif ? Et quels sont les problèmes épistémologiques que je rencontre pour pouvoir penser l'efficience ? Ce que je vais essayer de démontrer dans les 15 ou 20 minutes qu'il me reste, 20, sera de montrer que finalement l'efficience d'une régulation juridique n'est en tout état de cause qu'un point de vue. On ne peut pas dire qu'une régulation est efficiente ou qu'une régulation n'est pas efficiente dans l'absolu. Une régulation juridique ne peut être qu'un point de vue. Et ce point de vue, pour être utile, doit nécessairement spécifier sa démarche d'identification. En un sens, pour savoir ce que l'on dit, il faut savoir d'où l'on parle. Et il faut pouvoir l'apprécier. Et ceci va nécessairement avoir une conséquence pratique. Lorsqu'un économiste va voir un juriste pour lui proposer un modèle et lui dire qu'il faut modifier telle ou telle norme parce que telle ou telle norme n'est pas efficiente, l'économiste ne peut pas clore le débat. L'économiste, au contraire, ne peut que l'ouvrir, ne peut que proposer quelque chose au juriste qui doit ensuite, nécessairement, juger de la pertinence de ce critère. En un sens, on retrouve dans la réflexion sur l'efficience une forme de réflexion que l'on pourrait presque qualifier d'éthique. Autrement dit, une réflexion qui n'est jamais close, qui est toujours ouverte, et qui, par différentes discussions, par une tentative d'appréhension globale des choses, permettrait d'aboutir à quelque chose. Et in fine, d'ailleurs, je pense qu'on ne peut que penser l'efficience, on ne peut jamais la déterminer. Pourquoi est-ce que l'on ne peut jamais la déterminer? Tout d'abord, il est possible d'affirmer, sans trop de difficultés, que l'efficience ne se constate pas. Elle ne peut que se penser. En effet, l'efficience n'est pas un fait physique. Ça n'est pas une pomme qui tombe. C'est un jugement sur une représentation sociale. Alors, bien évidemment, j'utilise un certain nombre de termes, jugement, représentation, représentation d'une situation sociale, je vais essayer de les expliquer. Afin de rendre peut-être un tout petit peu plus concret mes propos, je vais prendre trois exemples. Le premier est celui de l'efficience de la common law. Peut-on dire que la common law est quelque chose d'efficient? Très clairement, cela ne se constate pas. On ne peut pas simplement constater que la common law est efficiente. De la même manière, on ne peut pas constater que la peine de mort en matière de pédophilie existe. Alors cet exemple a été pris puisqu'il est tiré en fait d'un cas décidé par la Cour suprême des États-Unis, inspiré d'un cas tiré de la Cour suprême des États-Unis qui est Louisiana versus Kennedy, dans lequel cette question s'est posée. Ou de la même manière, on ne peut pas simplement dire que la prostitution est efficiente ou n'est pas efficiente, sans finalement expliquer ce que l'on essaye de dire. La deuxième chose, et le deuxième problème, en un sens, c'est que si l'efficience ne se constate pas, cela signifie tout simplement qu'elle dépend du cadre dans lequel elle est pensée. Ce qui oblige à définir deux choses. Tout d'abord, définir le concept d'efficience. En effet, il est tout à fait possible de dire que on va chercher à éviter les gaspillages, on va essayer de maximiser le bien-être, mais qu'est-ce que cela peut signifier, la maximisation du bien-être? Si l'on s'en tient compte, par exemple, si l'on ne tient compte, par exemple, que de l'économie, on retrouve en économie un certain nombre de critères mobilisables. On va nous dire qu'une situation est efficiente au sens de Pareto, qu'une situation est efficiente au sens de Kaldorix, qu'une situation est efficiente au sens d'une analyse coût-bénéfice, ou qu'une situation est efficiente au regard d'une fonction de bien-être social. Autrement dit, le critère même d'efficience se retrouve être un choix. Et tous ces critères posent problème. Si l'on s'en tient compte, si l'on ne tient compte, par exemple, que du critère de Pareto, l'idée du critère de Pareto, c'est qu'il n'est pas possible d'améliorer l'utilité d'une personne sans diminuer l'utilité d'une autre personne. Cela signifie, en gros, que ce critère ne peut quasiment être jamais appliqué en matière de réglementation. En effet, une réglementation, en général, conduit à des gagnants et des perdants. De la même manière, dès lors qu'on s'intéresse à une analyse coût-bénéfice, il faudra essayer de déterminer ce que signifie un coût, ce que signifie un bénéfice, et parfois, il sera extrêmement difficile de réussir à identifier ce que cela signifie. Comment est-ce que je peux penser le coût d'une irréversibilité, par exemple? Comment est-ce que je peux penser le coût de quelque chose qui n'est pas là? Plus largement d'ailleurs, tous ces critères supposent finalement une représentation du monde qui est statique. Je ne peux déterminer l'efficience de quelque chose que si je peux appréhender ce quelque chose dans sa totalité. Ce qui veut dire donc nécessairement que je ne peux pas tenir compte, lorsque je parle d'efficience, d'une conception dynamique. Je ne peux pas tenir compte, par exemple, de l'innovation, je ne peux pas tenir compte de l'apprentissage, je ne peux pas tenir compte véritablement des irréversibilités. Et ces critères d'efficience, donc, statiques, on pourrait essayer, à partir de cela, de définir à ce moment-là une sorte de métacritère d'efficience, qui serait un métacritère d'efficience dynamique, et son idée serait tout simplement de maximiser la probabilité de survenance d'une situation efficiente compte tenu de la variation du monde qui nous entoure. Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat en tant que tel. Je resterai simplement sur les critères d'efficience traditionnels. L'idée, donc, par exemple, lorsque l'on pose l'efficience de la common law, on va l'apprécier en fonction d'une analyse coût-bénéfice. D'ailleurs, globalement, l'analyse économique du droit se focalise principalement sur l'analyse coût-bénéfice. Mais si l'on prend, par exemple, l'efficience de la prostitution, si l'on tient compte uniquement du client et de la prostituée ou du prostitué, on peut envisager une situation, la situation sous l'angle de la Pareto-supériorité. Tout simplement, ils sont deux, ils sont rationnels, ils se mettent d'accord pour échanger, alors cette situation est efficiente au sens de Pareto. Donc, non seulement il faut définir le critère d'efficience, mais en plus, il est nécessaire d'expliciter la façon que nous avons d'envisager le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut déterminer si quelque chose est efficient ou si quelque chose n'est pas efficient que dans le cadre d'un modèle, que dans le cadre d'une représentation du monde. Cette représentation du monde, pour essayer de dire qu'elle est efficiente, ne peut pas rester au niveau des intuitions. Elle doit être suffisamment spécifiée pour pouvoir dériver un certain nombre de conséquences très claires. Notamment, lorsque l'on envisage cette question de cette question de la modélisation, on se rend compte que le modélisateur dispose d'un très grand nombre de choix. Rien ne lui impose le choix des entités qu'il va faire entrer dans ce système. Rien ne lui impose le choix des caractéristiques de ces entités, notamment le type de rationalité, les préférences, les croyances, l'information disponible pour ces entités. Rien ne lui impose de la même manière une certaine perception de la relation entre ces entités. Rien ne lui impose les options possibles, les rétributions qu'il va postuler, les conséquences qu'il va envisager. En un sens, il est obligé de penser dans un premier temps le modèle, d'établir une sorte de pré-modèle qualitatif, avant de pouvoir essayer de construire un modèle qui serait peut-être plus quantitatif. Au-delà de ça, il est nécessaire de se rendre compte que n'importe quel modèle est nécessairement en plus ancré dans une culture, ancré dans une discipline, ancré dans une expérience. Un juriste, un économiste, un sociologue ne vont pas voir les mêmes choses. J'irai même jusqu'à dire qu'un économiste néoclassique, qu'un économiste autrichien, qu'un économiste néo-institutionnaliste ne verra pas la même chose, ne verront pas les mêmes choses. De la même manière, un sociologue de tendance bourdieusienne ou de tendance weberienne ou de tendance durkheimienne ne verra pas les mêmes choses, n'appréhendra pas le monde de la même façon. Et si l'on pouvait monter encore d'un degré, il faudrait se rendre compte que l'on cherche finalement à modéliser une représentation qui est déjà là et que cette représentation évolue elle-même avec le travail de modélisation dans lequel on se lance. Ce qui pose bien évidemment des difficultés pour saisir véritablement ce que peut signifier modéliser. Si le modèle réussit à être suffisamment formalisé, autrement dit, si le modèle suit une structure mathématique, la seule chose qu'il peut nous donner, c'est une vérité analytique. Il ne peut jamais rien nous dire de plus que ce que l'on a mis à l'intérieur. Et là encore, nous avons des difficultés. Pour reprendre les exemples que j'ai avancés, il existe, par exemple, des modèles qui permettent de montrer l'efficience, ou plus précisément une tendance vers l'efficience de la common law. Ces modèles ont été créés à peu près au milieu des années 70, après la publication de l'ouvrage de Posner, Economic Analysis of Law, dans lequel il avançait cette hypothèse que la common law tend vers l'efficience. Les économistes se sont dit alors, est-ce qu'il est possible de trouver un modèle qui me permet de valider cette hypothèse? Autrement dit, est-ce qu'il est possible de modéliser cette tendance vers l'efficience? Si je m'en tiens uniquement au modèle de Rubin, le modèle de Rubin est en un sens assez simple. L'idée est que les parties elles-mêmes, les parties qui vont donc saisir un juge, sont à l'origine de l'efficience de la common law. L'idée est de dire que les parties sont des demandeurs de droit, des demandeurs de régulation, et le juge est un offreur de droit. L'idée est également de postuler un système de common law dans lequel les précédents sont importants. Rubin nous montre, à l'aide d'un système mathématisé, que si aucune partie n'a intérêt dans la sécurisation du précédent, on reste dans le statu quo. Et si on reste dans le statu quo, cela signifie que l'on préfère négocier entre nous plutôt que d'aller devant le juge. Si par contre les deux parties ont un intérêt à l'existence du statu quo, elles ne négocieront que si la règle est perçue comme étant une règle efficiente. Autrement dit, seules les règles inefficientes dans ce cas passeront devant le juge. Si une seule partie, par contre, a intérêt au précédent, il n'y aura pas une nécessaire tendance vers l'efficience, puisqu'il faudra distinguer si cette partie est considérée comme étant responsable ou si cette partie n'est pas considérée comme responsable. Il nous montre que si cette partie est responsable, si la partie qui a un intérêt dans l'efficience du précédent est considérée comme responsable, elle aura tendance à refuser la conciliation. Par contre, si cette personne n'a pas, la personne responsable n'a pas un intérêt, elle préférera en général la conciliation. Ce modèle ensuite a été étendu par Priest pour nous dire que seules les règles inefficientes passent devant le juge. Mais en faisant ça, nous n'avons pas du tout démontré l'efficience de la common law. En faisant ça, on a simplement dit « je vous propose un modèle dans lequel la common law serait efficiente ». Et ce modèle, étant un modèle, est toujours critiquable. Il est par exemple possible de dire que les règles juridiques en cause, pour pouvoir déterminer l'efficience, doivent être clairement identifiées. Et que chaque fois que l'on passe devant le juge, il n'existe qu'une règle qui est en cause à chaque fois. Or, est-ce réellement le cas ? De la même manière, on pourrait dire que ces modèles-là envisagent l'efficience d'un système juridique comme l'efficience de la somme des normes, et non pas comme l'efficience du système dans sa totalité. Or, il est évident que des règles peuvent sembler tout à fait inefficientes, que si des règles peuvent sembler inefficientes prises isolément, elles ne le seront pas nécessairement si l'on envisage le système de façon beaucoup plus globale. De la même manière, les liens entre les règles juridiques ne sont pas analysés. Or, agir sur une norme particulière peut avoir une influence sur l'efficience d'autres normes. Très clairement, lorsque nous avons inséré en droit une responsabilité du fait des produits défectueux, on a nécessairement influencé la responsabilité du fait des choses. Alors comment, à partir de là, penser l'efficience de l'un et de l'autre ? Plus encore, ce modèle-là ne s'intéresse absolument pas aux incitations du juge à essayer de rechercher l'efficience. Pourquoi est-ce que le juge préférait sélectionner une règle efficiente ? Alors bien sûr, nous avons une solution de Posner très simple, qui est de dire « le juge a un goût pour l'efficience ». Bon, le problème, bien évidemment, c'est de savoir comment le démontrer. Une nouvelle fois, on est tout simplement en train de poser quelque chose. D'autres modèles, d'ailleurs, d'efficience de cette common law vont se focaliser, alors, qu'on appelle justement des modèles de l'offre, vont se focaliser sur l'offre de droit, et vont nous dire que le juge ne va modifier un précédent actuel, ne va faire une sorte de revirement, même si ce terme de revirement est extrêmement problématique, de jurisprudence, que si, eh bien, il considère qu'il y a une probabilité assez faible que sa décision soit renversée, et en plus, que si il tient compte du prestige d'être celui qui opère effectivement ce revirement de jurisprudence. Donc, si on regarde ce modèle, on se rend compte, en un sens, il est possible de montrer que quelque chose est efficient, que quelque chose n'est pas efficient en matière de common law, sans aucune difficulté. Dans notre exemple 2, donc, qui vise la question de la sanction de la peine de mort pour un cas de pédophilie. Une nouvelle fois, la première difficulté, ça va être d'identifier les parties prenantes. Je resterai à un modèle basique de parties prenantes, à savoir, les parties prenantes, ce sont les potentielles victimes et les potentiels criminels. Il s'agit ensuite d'envisager les conséquences. Si, avant, il n'existait pas une peine de mort, mais par exemple, une peine d'emprisonnement de 20 ans, on pourrait dire que la sanction pour l'acte augmente. Si la sanction pour l'acte augmente, on pourra dire, réponse triviale numéro 1, qu'une telle sanction est efficiente si nous considérons que les criminels sont rationnels. Parce que si les criminels sont rationnels, ils auront tendance à moins commettre cet acte, sachant que le coût de l'acte augmente. Néanmoins, réponse triviale numéro 2, si les criminels ne sont pas rationnels, si les criminels agissent uniquement par pulsion, il sera tout à fait possible d'augmenter la sanction. Pour autant, cette augmentation de la sanction ne modifiera pas du tout les choses. Alors certains iraient même encore plus loin en se disant, bah, si, cela pourra modifier les choses, puisque cela fera disparaître au fur et à mesure les gens qui vont avoir une tendance à agir de façon strictement pulsionnelle. Mais le raisonnement, effectivement, commence à être quelque peu cynique. Niveau numéro 2, on va se dire qu'il y a le niveau numéro 1, mais en plus on va tenir compte d'une chose, à savoir que en condamnant quelqu'un à mort, on crée une externalité négative pour qui est supportée par les gens qui sont farouchement opposés à la peine de mort. Ces gens-là souffrent du fait qu'il existe simplement la peine de mort dans le système. Le problème alors est bien évidemment d'essayer de déterminer quelle est la valeur à attribuer à cette opposition, et surtout comment réussir à la déterminer. Le deuxième problème, c'est de savoir si l'on s'oppose à la peine de mort farouchement, est-ce que cela signifie qu'on est bien informé sur la peine de mort? Donc là encore, des difficultés. Niveau 3 maintenant. Si la peine de mort est encourue pour tout acte de pédophilie, quelles vont être les incitations du criminel une fois l'acte accompli? Une fois le pédophile ayant commis son acte, quelles seront ses incitations? Et on pourrait dire dans ce cas-là que le criminel aura une incitation à tuer sa victime, tout simplement parce que cela limite le nombre de témoins. Ce raisonnement, d'ailleurs, et c'est ce raisonnement-là qui a été retenu par la Cour suprême des États-Unis pour considérer que dans ce cas-là, la peine de mort ne devait pas être reconnue. Et on se rend compte que, déjà, identifier les conséquences globales est quelque chose de délicat, mais agréger ces conséquences globales sur une échelle presque unique, de façon à pouvoir dire que les coûts et les bénéfices, que les coûts sont inférieurs aux bénéfices ou que les bénéfices sont supérieurs aux coûts, se révèle encore plus délicat. Exemple numéro 3 maintenant. Une nouvelle fois, un cas de prostitution. Une nouvelle fois, une identification basique des parties prenantes, tout d'abord. Il n'existe que des prostituées et des clients. S'il n'existe que des prostituées et des clients, si les prostituées et les clients sont rationnels, alors leur transaction conduit à une situation qui est Pareto supérieure à une situation dans laquelle ces transactions seraient interdites. Interdire la prostitution ne serait donc pas efficient. S'ils ne sont pas rationnels, on pourrait dire, alors, à ce moment-là, il faudrait les inciter à l'être. Et donc, il faudrait interdire la prostitution. Mais certains vous diraient non, parce que si vous interdisez tout de suite la prostitution, vous ne permettez pas à l'individu d'apprendre et de rentrer dans un processus d'apprentissage sur finalement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et est-ce à l'État d'apprendre aux individus ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Mais là, on s'intéressait juste à deux parties. Maintenant, complexifions le modèle. Lorsqu'on parle de prostitution, généralement, on fait intervenir bien sûr les prostituées et les clients, mais on peut faire intervenir les riverains des lieux de prostitution. On peut faire intervenir les souteneurs, on peut faire intervenir les mafias et les réseaux de prostitution, on peut faire intervenir les femmes en général et l'image de la femme, on peut faire intervenir les enfants, soit les enfants des prostituées, soit les enfants qui peuvent circuler dans ces quartiers-là. On peut même faire intervenir des fondamentalistes religieux qui s'opposent radicalement à cela. Mais plus on densifie le modèle, plus nécessairement identifier les conséquences s'avère délicat. D'autant plus que les individus vont s'adapter à ces nouvelles règles et modifier leur comportement. Vous interdisez la prostitution, cela ne signifie pas que la prostitution n'aura plus lieu. Cela pourra simplement signifier qu'elle va s'adapter. Elle va créer, par exemple, des segments. Il n'y aura plus que de la prostitution de luxe et ce sera la prostitution, entre guillemets, pour les pauvres qui sera surtout sanctionnée. De la même manière, comment est-ce qu'il est possible de déterminer les coûts et les bénéfices de chaque comportement? C'est extrêmement délicat. Comment en plus est-il possible d'agréger ces coûts et ces bénéfices? C'est strictement impossible. Donc en un sens, tout calcul coût-bénéfice est problématique à la base. Et là encore, les trois exemples que je viens de prendre ne s'intéressent qu'à un niveau de complexité finalement assez simple. En effet, il est possible d'en rajouter un certain nombre. Par exemple, il est possible de s'interroger, lorsqu'on s'intéresse à l'efficience d'une règle juridique, au lien entre le droit et les normes sociales. Et il est, par exemple, tout à fait évident que le droit n'est pas le seul système de régulation sociale. Mais si le droit n'est pas le seul système de régulation sociale, s'il existe d'autres systèmes de régulation sociale, comment alors penser la relation entre le droit la tradition, entre le droit et les façons de penser. Alors certains vont parler par exemple de valeurs expressives des normes juridiques. Une norme juridique vise également à indiquer aux citoyens ce qu'ils doivent penser. Et on se rend compte que si l'on ne tient pas compte de l'ensemble de ces normes sociales, on peut aboutir à des échecs terribles. Si l'on prend par exemple les lois anti-castes en Inde, les lois anti-castes en Inde n'ont pas perçu la véritable puissance des normes sociales et donc ont été un total échec. De la même manière, on pourrait s'interroger sur le lien qui existe entre la parité, la reconnaissance de la parité et la perception du rôle de la femme ou du rôle de la minorité qui va être reconnue. On peut s'intéresser également à l'interdiction des duels, qui pendant un temps n'a pas conduit à la disparition des duels. Bien au contraire, il s'agissait de questions d'honneur, et le fait que cette question d'honneur demande à aller au-delà du droit était au contraire quelque chose qui renforçait le besoin du duel. Le problème, bien évidemment, c'est que si l'on commence à tenir compte de l'ensemble des impacts possibles, alors tout d'abord, il faudrait réussir à les identifier, ces impacts. Et ce que je montrerai tout à l'heure, et il s'agira d'ailleurs d'une partie de la conclusion, c'est que justement, penser l'efficience a cet objectif-là. Essayer d'identifier ces impacts-là. Elle ne pourra jamais les déterminer de façon précise. Mais on se rend compte qu'on aboutit à une complexification de l'analyse qui est absolument monumentale, et il n'est plus possible de ne rien dire. De la même manière, la dimension systémique du droit étatique ne devrait pas être négligée. Il faudrait par exemple tenir compte de la structure dynamique du droit. Si par exemple on considère qu'une procédure de production d'une norme est efficiente, doit-on considérer que toutes les normes issues de cette procédure sont efficientes? Et réciproquement. Comment est-ce qu'il serait possible de penser l'impact d'une norme juridique sur les autres normes juridiques? Cela impose de percevoir le droit sous l'angle de système, sous l'angle de modèle. Donc là, une nouvelle fois, des difficultés. De la même manière, on va avoir un problème d'interprétation et d'identification de la norme. Pour déterminer si une norme est efficiente, à un moment ou à un autre, il faudra spécifier son contenu. Or, le problème, qui est capable de spécifier son contenu? Doit-on considérer que la spécification du contenu fait par un économiste, ce sera nécessairement le contenu réel de la proposition normative? Pire encore, comment est-il possible de tenir compte de la variation du sens des propositions normatives pour parler de l'efficience? Parce que insérer une norme à un moment donné peut sembler efficient, et cette norme, dans 10 ans, dans 15 ans, sera interprétée d'une façon toute nouvelle, et y avait-on pensé? Peut-on même y penser? Lorsqu'on parle de l'efficience d'un principe, de la même manière, on est obligé de spécifier ce que signifie le principe. Or, par définition, un principe ne se définit pas précisément, sinon il serait une simple règle. Enfin, il faudrait pouvoir tenir compte véritablement des coûts de la régulation. Or, ces coûts de la régulation sont rarement véritablement pris en compte. Autrement dit, puisque le temps court, je m'excuse d'être allé si vite sur ces quelques parties, il est absolument évident qu'il existe de nombreux obstacles épistémologiques pour aboutir à une qualification juridique d'efficience. Et, à mon sens, il est même strictement impossible d'avoir une certitude concernant l'efficience de tel ou tel dispositif. Certains pourraient donc dire, si l'efficience, on ne peut jamais l'atteindre, alors pourquoi essayer de la penser? En un sens, cela ne servira à rien. Mais, justement, c'est que l'on perçoit l'efficience comme la qualification d'un système déjà fini, et non pas l'efficience comme le moteur d'une recherche. Or, penser l'efficience d'une régulation juridique, c'est forcer à penser le système juridique et la place du droit dans la société. C'est forcer à penser les conséquences et les possibles conséquences des règles juridiques. C'est permettre de mettre à jour les nœuds de problèmes. Par exemple, voilà, nous avons un problème en ce qui concerne le fait de compter les générations futures. Comment pouvons-nous compter l'utilité des générations futures ou les intérêts des générations futures? Pire encore, tous ces modèles-là, s'il est possible de construire un certain nombre de modèles, au bout d'un moment, il y aura une difficulté fondamentale, à savoir comment est-il possible d'agréger des modèles, d'avoir une vision globale en agrégeant des modèles qui sont tous différents. Et c'est à ce niveau-là que je dirais que la seule chose que l'on peut faire en matière d'efficience, c'est tout simplement formuler un jugement. Et par définition, un jugement suppose une incertitude. Je vous remercie. Excuse la rapidité de la présentation. Merci beaucoup, Régis Lanneau. La parole est à la salle dans un premier temps, s'il y a des questions. Merci pour cet exposé riche et fouillé qui nous a montré en plus que les questions de régulation économique engageaient directement des questions de au fond axiologiques et théoriques, même métaphysiques, extrêmement poussées. Mais rarement pensées. S'il n'y a pas de questions, si il y en a une, allez-y. Alors, ça, le problème, c'est que mes questions vont peut-être me lancer dans des considérations techniques qui peuvent peut-être nous emmener soit trop loin, soit dans une direction peut-être un peu inintéressante pour le colloque. Donc, cette nuance et cet avertissement mis à part. Premièrement, moi, je trouve extrêmement intéressant de placer cette dimension épistémologique. D'avoir cette interrogation épistémologique, de la placer d'ailleurs en premier dans le programme, c'est à la fois très, très stimulant et tactiquement intéressant. Mais je voudrais quand même poser à Régis juste quelques questions. Alors, par exemple, il nous dit finalement la difficulté du critère d'efficience, c'est qu'il y a une représentation du monde statique. Et en fait, d'ailleurs, mon objection va se recouper avec une objection suivante. C'est que nos amis économistes nous disent « Oui, mais nous avons des instruments de calcul. Là, par exemple, le calcul de l'actualisation, et c'est par le taux d'actualisation que l'on donne à une valeur présente une dimension dynamique dans le futur. » Alors, évidemment, on peut répondre « Tout ça, c'est très bien. » Le futur est est relativement prévisible et borné, mais quand il s'agit pour les centrales nucléaires de définir le taux d'actualisation de la décomposition, la dépollution de trucs qui durent 25 000 ans, que fait-on? Et à la limite, l'économiste dit, à ce moment-là, c'est pas grave, parce que... C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Non, mais ça n'est pas grave parce que l'important n'est pas la valeur absolue du taux d'actualisation. C'est qu'il y a un taux d'actualisation. Et la valeur absolue du taux d'actualisation, c'est un geste politique. Mais on peut continuer quand même, à partir du geste politique effectué à l'instant T aujourd'hui, de définir, d'avoir une modalité de calcul et de trouver. Et de pouvoir discriminer surtout entre différents types d'instruments de politique économique ou même technique dans une approche dynamique. Alors la difficulté à ce moment-là, ce sera de dire il est tout à fait possible effectivement de considérer que ces situations sont efficientes dans la mesure où je tiens compte de l'information que vont avoir les partenaires. S'ils tiennent compte de l'ensemble de l'information qu'ils ont, eh bien à ce moment-là, je peux dire que c'est efficient compte tenu de l'information qu'ils vont avoir. Lorsque je dis que les critères économiques sont statiques, je fais référence en fait à cette critique qui a été faite notamment par l'économie autrichienne à l'économie néoclassique, qui est de dire que l'économie néoclassique perçoit le temps comme un temps physique. En un sens, il existe un système et ce système n'est pas perturbé. Rien n'intervient dedans. Si l'on prend par exemple chez les anticipations rationnelles, l'innovation, je crois, apparaît par des helicopter drop. Voilà, nous avons un hélicoptère qui vient et qui lâche à certains moments des innovations. Bon, bien évidemment, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Et plus largement, on peut dire que ces critères, pour pouvoir penser ces critères-là, on ne tient absolument pas compte des problèmes d'innovation, on ne tient absolument pas compte des problèmes d'apprentissage, on ne tient absolument pas compte véritablement de l'incertitude, parce que finalement, comment est-ce que je peux compter l'incertitude? Par définition, je ne la connais pas. Et donc, je ne peux pas l'utiliser dans mes critères. Et bien souvent, et c'est mon opinion, les économistes préfèrent pouvoir dire quelque chose que de ne rien dire, et donc, ils vont nous dire, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Compte tenu des informations que j'ai, toute chose égale par ailleurs, eh bien cela. Mais ceci dit, ce toute chose égale par ailleurs est extrêmement problématique. Parce que, en général, le toute chose égale par ailleurs est utilisé par les économistes pour nous dire mon modèle est vrai. Et en un sens, il est tout le temps vrai. Parce que si jamais mon modèle semblait pouvoir être falsifié, il suffirait simplement que je dise, eh bien, le toute chose égale par ailleurs ne s'est pas réalisé. Et en général, d'ailleurs, les économistes ne précisent pas ce qu'ils entendent ou ce qu'ils comprennent dans le toute chose égale par ailleurs. Parce que, par définition, ils ne peuvent pas le connaître. Autrement dit, la difficulté, à mon sens principal, c'est de se dire que nous vivons dans un monde d'incertitude, mais que, en un sens, la pensée de l'efficience, et plus largement, j'aurais tendance à dire, une forme de pensée moderne, nous laisse penser que, grâce à la rationalité, il sera possible de réduire ces incertitudes, de découvrir le monde, de le rendre totalement transparent. Mais j'aurais tendance à dire que, justement, l'apport principal de l'épistémologie est d'avoir montré que le monde ne sera jamais transparent. Que le monde, à un moment ou à un autre, impliquera nécessairement de faire un certain nombre de choix. Et que, malheureusement, concernant ces choix, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique. On sera obligé simplement de revenir à l'essence même du droit, qui est de porter un jugement. Et porter un jugement, c'est décider dans l'incertitude. Oui, mais le toute chose égale par ailleurs, par exemple, sur cette question de porter un jugement, nous facilite le travail d'identification de ce jugement et des critères du jugement. Alors, prenons. Parce qu'il y a une difficulté aussi à ne pas. Je ne veux pas me faire défenseur de l'économiste, il faut aussi se méfier de confondre ceux qui font d'ailleurs souvent dans leur discours, ce qui est la part purement analytique et la part normative. Certains diront qu'on ne fait que de l'analytique, que les économistes ne font que de l'analytique, certainement pas du normatif. Mais de l'analytique sur n'importe quoi. Oui, de toute manière. Et surtout, sous cet angle-là, on peut dire que le critère d'efficience, et le problème d'ailleurs lorsqu'on parle d'efficience économique, c'est que le critère d'efficience connote quelque chose de presque positif. On se dit, si on est rationnel, si on est efficient, c'est bien. Alors que si on est rationnel ou si on est efficient, ce sont simplement des définitions techniques, économiques. Des pures méthodologies. Mais si je prends simplement l'économie, un problème qui est tout simple. Supposons que l'on se rende compte qu'un marché particulier n'est pas à l'équilibre. L'économiste nous dira, pour tendre vers l'efficience, toute chose égale par ailleurs, il faut rétablir l'équilibre sur ce marché. Mais il existe, chez les économistes également, cette thèse qui est la thèse de Lipset-Lancaster, qui est de dire que, de toute manière, le système économique est un système de prix relatif. Donc, de toute manière, vouloir penser l'efficience d'un marché particulier, c'est tout à fait absurde. Et rétablir l'efficience sur un marché particulier peut conduire, du point de vue global, à ne pas rejoindre la situation qui serait se rapprocher de ce qu'ils appellent l'optimum de premier rang. Et donc là, on commence à avoir, une nouvelle fois, une difficulté. C'est-à-dire que les juristes, effectivement, vont souvent mobiliser l'économie parce que l'économie a quelque chose de très simple. Elle a le prestige de la science. Et donc, certains vont pouvoir se dire « je vais me protéger » en un sens. Si les économistes disent ça, « je me protège en réutilisant leur théorie. Je me protège en faisant des choix. » Et j'aurais tendance à dire que c'est même le problème principal de la décision. Pourquoi voulons-nous justifier une décision ? Non pas pour prendre une bonne décision, mais plutôt pour voir justifier... Si les conséquences de cette décision apparaissent comme étant néfastes, pouvoir justifier que la décision que j'ai prise, j'ai pris en compte l'ensemble des éléments que je pouvais prendre en compte à un moment donné. Donc en un sens, je ne suis pas responsable de ces conséquences-là. Alors je suis d'accord sur la question d'équilibre partiel, d'équilibre général, qui est un problème majeur et qui renvoie aussi... à la fois une dimension épistémologique, philosophique sur elle, peut-on appréhender le système dans son ensemble, et puis aussi il y a des problèmes techniques qui est de dire oui, mais pour l'instant, nos instruments de calcul ne sont pas assez sophistiqués pour qu'on puisse avoir une espèce de super matrice que le Gosplan imaginait dans son délire économisant. Mais ça, cela va se retrouver dans le choix des éléments que je vais faire rentrer dans mon modèle. Non, tout à fait. tout simplement. Si je veux un modèle qui est très simple, je vais rester sur quelque chose qui est très simple. Et j'aurais même tendance à dire, du point de vue économique, c'est plutôt donnez-moi une législation et essayez de prouver qu'elle est efficiente. Et je pense qu'il est possible de prouver à peu près que n'importe quelle législation est efficiente. Regardez sous un certain angle, bien évidemment. Sous réserve des hypothèses. Sous réserve des hypothèses. Mais ces hypothèses-là, on ne les pense plus. Et c'est, à mon sens, le véritable problème. Si je puis me permettre, la question doit-elle être pensée en termes analytiques ou, au fond, cette discussion ne révèle-t-elle pas, c'était aussi la question que je voulais vous poser, qu'il y a, au fond, dans cet impératif de justification, des problèmes qu'on peut considérer, enfin, qu'on pourrait analyser ou qualifier, disons, en termes de rapport de pouvoir, de rapport politique, d'une certaine manière, se justifier, ce serait, au fond, rendre naturel ou, au fond, rendre... nécessaire, ce qui ne l'est pas. Et c'est intéressant que vous ayez fait référence au Gosplan. Cela m'a évoqué une réflexion de Jacques Lacan, selon laquelle, en fait, paradoxalement, le au fond, là où on trouve, donc ça datait des années 60, là où on trouve, au fond, on trouverait l'expression achevée du capitalisme, eh bien, ce serait dans l'appareil d'État soviétique, en fait. Voilà, c'est une sorte de prise de pouvoir, au fond, de la pensée économique. Quoi. Alors, certains diront que, justement, le modèle d'équilibre général, qui est souvent considéré comme étant une mise en forme de la main invisible, a surtout été une représentation communiste des choses. Vous avez notamment Abba et Lerner qui ont explicité notamment que le modèle de l'équilibre général est le parachèvement effectivement d'un modèle communiste en tant que tel, et qui défendait même d'ailleurs... le modèle strictement communiste. De la même manière, on oublie donc toutes ces institutions du marché, etc. etc. Mais la difficulté principale, à mon sens, de l'efficience, c'est que si l'efficience restait à un niveau strictement analytique, dire voilà quelles sont mes hypothèses, voilà quel est le modèle que je décris, voilà ce que je peux dire sur l'efficience, il n'y aurait évidemment aucun problème. Le problème, c'est que nous avons besoin de choisir. Et c'est dès lors que nous utilisons l'efficience dans un contexte de choix que les problèmes vont se poser. Et qu'il, justement, et qu'il faut faire attention. Sans pour autant que le passage de la vérité analytique du modèle à une vérité sur le monde puisse être réalisé, je dirais, sans écart et sans problème. Eric Millard. Justement, sur cette question, si on prend un peu la défense des économistes, parce que ça paraît extrêmement utile. Le problème du recours à ce type d'argumentation, le problème épistémologique, n'est pas nécessairement du côté du travail des économistes, si effectivement on admet qu'il s'agit simplement de purs modèles analytiques. Il y a des modèles qui sont cohérents, par simple cohérence entre les différentes propositions qui constituent la théorie. Le problème, à mon sens, il est davantage du côté de ceux qui ne font pas de l'économie dit comme ça, c'est-à-dire principalement du côté du décisionnisme et du côté des juristes, qui prétendent justifier des décisions qui sont des décisions effectivement fondées sur des choix moraux, des choix politiques, à partir de ce critère-là. C'est-à-dire qu'on essaie finalement, en mobilisant le critère d'efficience par rapport à les décisions, on essaie de nous faire passer des décisions, donc des choix, pour des conséquences logiques. Le problème épistémologique n'est pas tellement dans la conception de l'efficience, mais dans l'utilisation de l'efficience pour justifier, a posteriori donc, finalement c'est un bon moyen, une fois qu'on a défini son critère d'efficience, de faire passer pour scientifique ce qui est simplement une prise de position idéologique. C'est une drôle de défense des économistes. C'est la pose à ce moment-là une difficulté, qui est de savoir, alors à ce moment-là, comment est-ce qu'il est possible de concevoir, alors pour le coup, l'utilité de l'économie? Si mon objectif, c'est simplement de jouer avec des modèles et de faire de belles choses qui se suivent, eh bien, je dirais très bien. Très bien, mais vous servez à quoi? Je ne dis pas, je ne dirais pas, non, mais ceci dit, je ne vais pas jusqu'à dire que même dans ces cas-là, l'économie ne serait pas utile. Néanmoins, il est très clair que certains modèles économiques se concentrent uniquement sur une représentation strictement formelle, sans réellement penser la conséquence de ce formalisme ou les possibilités d'application de ce formalisme sur le monde. Alors, je suis d'accord, ceci dit, sur le fait que, mais, ma foi, le problème, il n'est pas tellement dans l'efficience en tant que telle, il est dans l'interprétation de l'efficience, il est dans ce que l'on va faire avec l'efficience. Cela est très clair. Mais le problème qui se pose alors, c'est de savoir, dispose-t-on de critères alternatifs ? Dispose-t-on de méthodes qui vont être des méthodes alternatives ? Puisque, besoin. Alors, et en a-t-on besoin ? Je pense justement que l'avantage de l'efficience, c'est que l'efficience propose une façon de penser. Si l'on ne définit pas une méthode pour essayer de penser les conséquences, alors de penser la justification des règles juridiques, eh bien il me semble qu'on perd quelque chose. Et donc la défense que je ferai de l'efficience, c'est surtout que, en essayant de penser l'efficience, on est obligé de mettre au jour un certain nombre de relations. Alors bien sûr, ces relations sont choisies ensuite de façon purement politique pour justifier. Mais si on va plus loin, on peut tout à fait dire que si une majorité nous présente une représentation dans un sens, une opposition pourra nous dire que, en utilisant à peu près la même logique, je peux vous montrer que votre système n'est pas efficient si je tiens compte de tel et tel autre domaine. Et je pense que, à travers simplement cette discussion, et si on commence à se mettre d'accord finalement sur ce que l'on cherche, et notamment l'identification des conséquences, on a déjà avancé. C'est un travail du même type que ce qu'a fait depuis très longtemps la philosophie morale, en essayant de clarifier justement ce que sont les questions morales, et ça ne nous éclaire pas sur le point essentiel, c'est pensons-nous que ce modèle d'efficience, ou cet ensemble axiologique que la philosophie morale pourrait mettre en avant, est ce que nous voulons. Et ça reste une question politique. Alors à ce moment-là, il faut passer, à mon avis également, passer à autre chose. C'est-à-dire que nous avons tendance à penser que le droit doit prendre un certain nombre de décisions rationnelles. Et par décision rationnelle, nous entendons la décision qui va être se fonder presque sur un modèle scientifique. Le droit va avoir perdu, alors, à mon sens, justement cette dimension peut-être de raison pratique. Voilà. On essaie de penser le droit sous le mode de l'épistémé, alors que le droit devrait être pensé plutôt sous le mode de la praxis. Ça n'est pas devrait, c'est... penser. C'est un problème épistémologique, oui, en soi. Oui. Non, mais c'est... Et guidé par la modernité. Là, on a des difficultés.